Bienvenue, vous êtes sur Révolution et Liberté, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité, mais aussi de la sécurité dans le cadre des élections de 2022. Ce podcast s'inscrit dans la continuité du dernier épisode. Les arguments ne sont point exhaustifs. Nous sommes appuyés sur les différentes brochures du Rassemblement National, en libre accès sur son site internet. Dans une seconde partie, aussi, nous ferons le parallèle entre les Gilets jaunes et le programme du Rassemblement National. Le parti pris de Marine Le Pen s'inscrit également dans la doctrine de la tolérance zéro, une vision déjà proposée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Marine Le Pen et consort s'enracinent d'une façon ou d'une autre dans le viseur d'un autoritarisme, sans parler des questions liées au sujet préféré, à la savoir l'islam, l'immigration et l'abrogation de la loi de 1905. Elle souhaite que l'Église soit considérée comme fille aînée de la France et de la République. Promis, nous ne parlerons pas du scandale pédocriminel qui mine l'Église et le séparatarisme catholique. Nous donnerons uniquement quelques extraits de ces brochures afin d'éviter la redondance. Tout d'abord, elle soutient que, dans les territoires criminalisés, la nouvelle immigration contemporaine vient ajouter des frontières ethniques supplémentaires à des zones se vivant déjà comme ethnoculturellement séparées du reste de la France. Et plus loin, l'ensemble forme une menace sécuritaire, protéiforme, disparate et difficile à quantifier, couvrant des champs d'action aussi vastes que la toxicomanie, les réseaux de les cambrioleurs, les mules, les agressions physiques du quotidien et les réseaux de prostitution. On pourrait continuer à citer l'ensemble de la partie 6. L'immigration ajoute de l'insécurité à l'insécurité. Toutefois, concluons tout de même sur ces deux paragraphes. Les Français rejettent cette immigration criminelle. Ils le répètent à chaque sondage, ce qui, en démocratie, devrait suffire. Mais nul ne semble vouloir entendre cette insistante exigence. Or, il faut le dire, les sondages en démocratie ne permettent pas de créer une gouvernance. Dans les faits, la dame de Montretout souhaite avant tout remettre en place la position du bonatarisme. Les sondages, et a posteriori les référendums, gouvernent l'ensemble du pays. Certes, il s'agit d'une volonté populaire, mais c'est une vision aux antipodes de notre démocratie moderne. Le parlementarisme n'est pas le bonapartisme. D'autant plus que les questions soulèvent un langage et des codes. Ce projet s'inscrit, comme nous l'avons souligné dans le dernier podcast, à la volonté de mettre sur papier un référendum sur l'immigration. Ensuite, elle poursuit que ces migrants, que nous présentons comme des réfugiés, ne le sont pas souvent. Il y a parmi eux des criminels et des personnes en situation irrégulière qui pillent littéralement la France. En résumé, le problème de la délinquance est l'immigré. Face à des analyses trompeuses visant à faire croire qu'un coup de baguette magique fera disparaître les incivilités et la délinquance, il semble nécessaire de voir qu'il y a une volonté de voir dans l'immigré, pour reprendre ces phrases, un pillard. Cela rappelle étrangement la doctrine antisémite du 19e et du 20e siècle de l'extrême droite. Les personnes changent, mais les métaphores sont les mêmes. Et continuons encore dans ce livre au travers d'un titre. Clan criminel nomade, gang albanais, quand les Balkans dévalisent la France. Finalement, ce n'est plus le livre blanc de la sécurité, c'est le livre noir de la xénophobie et des racismes en tout genre. Marine Le Pen souhaite une autre doctrine liée au maintien de l'ordre public. En effet, elle considère d'une certaine manière que la stratégie menée par Gérald Darmanin s'inscrit dans un délitement de l'autorité. Une proposition qui ne manque pas d'air puisque Christophe Castaner et Gérard Collomb, et même avant lui jusqu'à Manuel Valls et bien d'autres avant, ont réparti l'axe ordre public et ordre politique. De cette sorte, il pense que l'autorité de l'État s'inscrit dans la puissance de faire régner les libertés économiques. comprenant la sécurité publique au-dessus des libertés individuelles, comme le droit de manifester et de se réunir, la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Elle dira d'ailleurs comme son père, je cite, « L'enjeu est fondamental tel que défini à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La sécurité figure parmi les toutes premières libertés. Nous devons la reconquérir. » Que dit l'article 2 de la DDHC ? Il énonce que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Autrement dit, la sécurité au travers du mot de la sûreté n'est pas le premier droit, mais le troisième dans l'ordre chronologique. Soyons clairs, le clan Le Pen ment, même sur les textes fondateurs de notre République. En le définissant ainsi, elle revient à réécrire la DDHC et ainsi réécrire l'histoire. De ce fait, il s'agit d'une forme de révisionnisme actuel. Le mensonge répété vis-à-vis de la droite extrême et de l'extrême droite sont une falsification de l'histoire. La question de reconquérir la sécurité s'inscrit pleinement dans les spéculations sécuritaires. Il faut dire qu'à défaut d'un programme économique, le Rassemblement national mise l'ensemble de ses forces sur le domaine sécuritaire en faisant la surenchère. Ensuite, il convient de parler du mouvement des Gilets jaunes, si cher à Marine Le Pen. Si l'extrême droite, bras armé du capital et du patronat, le sait très bien, son intérêt pour le prolétariat s'inscrit dans une logique nulle et non avenue. Pour mieux comprendre le programme de Marine Le Pen, il semble nécessaire de suivre le lien fait par les leaders du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement disparate laisse clairement une vision sombre de l'avenir, mais surtout s'inscrit dans une logique néolibérale, toujours plus profonde comme le disait si bien Priscilla Ludowski et consort dans un discours du 15 décembre 2018. Écoutons ensemble les revendications du patronat. Nous sommes épuisés par une pression fiscale colossale qui ôte à notre pays, à nos entrepreneurs, à nos artisans, à nos petits commerçants, à nos créateurs et à nos travailleurs toute énergie pendant qu'une petite élite échappe constamment à l'impôt. Les prélèvements obligatoires représentent désormais 46% du PIB et les aides sociales un tiers du PIB annuel. Tout d'abord, qu'est-ce que la pression fiscale colossale ? Une baisse des impôts, des taxes, des cotisations de plus de 40 ans. Autrement dit, il s'agit d'une fausse argumentation. La dévaluation interne se poursuit. Ainsi, les faits économiques sont clairement plus cohérents que les chiffres sortis de nulle part. Le ressenti apparaît comme promptement subjectif, et ce n'est pas une argumentation. De ce fait, la pression fiscale colossale ne cesse de baisser. S'il n'en voit pas vraiment les tenants et les aboutissants. Cela sous-entend que le carnet de commandes n'est pas au rendez-vous. Sans demande, les entreprises vivent à crédit. Et le crédit dans une société capitaliste, c'est la base de l'entrepreneuriat. Mais les poujadistes 2.0 ne veulent pas une augmentation de la demande. Ils veulent une politique de l'offre. Depuis 1983, les programmes économiques vont dans ce sens. Aucun mot là-dessus. Ainsi, un adage résume la situation. Qui ne dit mot consent. Ensuite, le discours romanesque vis-à-vis d'une petite élite qu'il faut comprendre au sens de l'extrême droite. C'est-à-dire les politiciens, les banquiers et le reste se passe d'imagination. À aucun moment, si l'on suit le discours, cela s'inscrit dans le vocal de nommer cette élite, à savoir les capitalistes, et la fameuse question du coût du capital. Peut-être que la vision qui nous oppose réside dans le fait que Priscilla Ludowski s'inscrit dans une logique entrepreneuriale. Par ailleurs, n'est-ce pas les libertés économiques et le néolibéralisme qu'elle promeut? Autrement dit, elle fait partie du problème, mais ne veut pas voir que ces solutions ne vont faire qu'éterniser le problème. Pire, la question s'inscrit dans la volonté de baisser les prélèvements obligatoires. Cela se transcrit par une volonté pratiquée la baisse des dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. Il n'y a qu'un pas pour aller vers les doctrines de la rigueur budgétaire. Autrement dit, il s'inscrit dans une vision assez typique de l'orthodoxie économique. Ils se plaignent du capitalisme, mais ne veulent une application radicale de ce dernier. Ils dénoncent un système d'une façon éhontée, pour reprendre un discours en totale adéquation avec lui. Continuons le discours. Où diable va cet argent ? Notre instinct et nos yeux impertinents de simples Français les voient bien. Cet argent part des privilèges indus, des commissions, des copinages, des retraites éternelles, des serviteurs à gogo, etc. Le romantisme de l'utilisation du terme « diable » s'inscrit dans une volonté certaine et cohérente du rajouter du populisme au populisme. En effet, il semble clair que la logique ne serait en aucune manière des dépenses informelles tournant à coups de centaines de millions d'euros. La recherche d'une chasse à la moindre économie s'inscrive également. Ainsi, la vision d'un État obèse s'inscrit dans une logique austéritaire telle que conçue par Emmanuel Macron, mais aussi Marine Le Pen. Nous ne voulons pas vivre de vos aides. Nous ne voulons pas vivre au crochet d'un État boulimique qui nous prend toujours plus et nous redonne toujours moins. Et pour aboutir sur quoi ? Le programme de Pierre Poujade, allié de Jean-Marie Le Pen. On s'écoute l'extrait final. Nous voulons vivre libres, libres de nos droits, de pouvoir réellement jouir du produit de notre travail, libres de pouvoir créer et inventer sans voir fondre sur nous la patte terrible de l'administration et des impôts, libres de pouvoir payer des impôts raisonnables afin d'aider nos compatriotes dans la difficulté, libres de se loger et de vivre dignement. Par conséquent, nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, etc., ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. En effet, il n'est à aucun moment souligné des mesures progressistes, mais uniquement des mesures néolibérales, voire ultralibérales. Vivre de son travail, cela importe d'être payé à la hauteur du fruit de son travail. Le salaire n'est que la compensation du temps alloué vis-à-vis du patron. Augmenter les salaires ? Aucune source dans cela. Cela demande de vivre dans le cadre des libertés économiques, au travers de vivre libre, libre de nos droits. L'auditeur en conclura ce qu'il en voudra. Et maintenant ? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tenir le cap des réformes en faisant museler les mouvements contestataires, sauf un seul. Le mouvement des Gilets jaunes. Chacun balayera à sa porte sur l'apport de l'extrême droite à un mouvement clairement confusionniste, complotiste, populiste et poujadiste. Quoi qu'en disent Marine Le Pen et ses alliés idéologiques, la volonté de défendre des Gilets jaunes s'inscrit uniquement dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'une revendication syndicale, mais bien d'un mouvement clairement poujadiste axé sur le prix du carburant, du coût de la vie ou encore sur le ras-le-bol fiscal. Il y a également eu le fameux RIC, pilier du programme lepéniste, afin de passer au-dessus des partis, des syndicats et des associations. Dans ce sens, il s'agit d'une vision de créer une forme bonapartiste. Elle dira dans son livre blanc pour la sécurité, je cite, « Pourquoi ces centaines de gilets jaunes arrêtés et pas un seul de ces voyous ?» Ou encore, la crise des gilets jaunes dont la proximité sociologique est évidente avec les forces de l'ordre s'est accompagnée d'une répression inouïe en France. Qu'est-ce qui est évident ? Le fait que les forces de l'ordre sont certes des salariés, mais ce sont aussi avant tout le bras armé pour mettre en place les réformes du capitalisme afin d'aller sur la paix sociale au sein que l'entend la classe dominante, c'est-à-dire le Rassemblement national. Néanmoins, les poujadistes et les réactionnaires au sein du mouvement des Gilets jaunes sont totalement intégrantes de l'esprit des policiers ou des gendarmes. Et enfin, prenons la réalité qui s'inscrit à refuser les différentes violences des forces dites de l'ordre. Le découragement professionnel, dû à des accusations souvent gratuites de violences policières relayées par des médias orientés. Dû également à un sentiment d'être utilisé par le pouvoir politique, comme ce fut le cas lors des Gilets jaunes. Et qu'est-ce que les médias orientés ? Il s'agit simplement des médias qui ne diffusent pas la soupe lepéniste comme CNews par exemple. Les médias possèdent une ligne éditoriale indépendante du politique sauf sur National et Hebdo. Dans la droite lignée de son père, Marine Le Pen répond présent. Ainsi, le maintien de l'ordre passe par ailleurs au travers d'une réforme structurelle du Code sur la sécurité intérieure, le Code procédure pénale, du Code pénal et du Code de la défense. On pourrait continuer, mais ce sera la suite dans un prochain épisode. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable journée et une bonne semaine.